C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. Le temps d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On reçoit Maxime Lemulin-Ramé et son bloc de découverte musicale. Télécharge-moi quoi donc, toi? Tout ça et bien d'autres choses à Assemblage Requis. Mais dis mieux que ça. Bonjour Kiwa, bonjour les amis, bonjour Pimpinot, les Pimpinettes, ou les pains d'épices et les comment on pourrait les appeler? On n'a pas encore trouvé de nom, voyons, Caroline, mais ça n'a même pas de sens cette phrase-là. on est en forme aujourd'hui, c'est ça, incroyable. Je pensais que ça allait commencer mollo, c'est genre moche un peu, mais finalement ça a vraiment commencé très très mal, hein? C'est carrément mauvais. Mais bon, ça suit Donc, bref, on essaiera de trouver un jour un nom pour les auditeurs. Oui, bien dit. C'est ce que tu essayais d'exprimer. Ouais. On essaiera un jour d'en trouver un, mais pour l'instant, on a une émission aujourd'hui, Mathieu. Allez. On a une émission à faire, malgré tout, en ce beau petit lundi. On va voir Maxime Lemulin-Ramé tantôt, qui va nous parler de ses découvertes musicales de la semaine. Il a découvert 3 groupes, comme toujours. Ouais, ben je suis pas sûr que c'est des découvertes, parce que The National, il y a Folds aussi, et Brandon Canning, que je connais pas. Ça dépend des semaines, il n'y a pas vraiment de façon de souvent, de c'est, résumer, des, hein. Ouais, c'est souvent des nouveautés, quand les groupes sortent des nouveaux albums, et je soupçonne que Pose et The National préparent de nouveaux albums pour bientôt. Mais bref, c'est Maxime qui va tout nous expliquer ça tantôt, dans une vingtaine de minutes environ, quand il va venir nous voir avec sa chronique Télécharge quoi. C'est sûr que ça va être mieux expliqué que quand c'est moi qui l'explique. Hein. C'est vrai, quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Pas grand-chose. As-tu écouté hier Les Jutras? Non, j'ai pas écouté, mais j'ai lu, j'étais sur le Twitter, hein, le Twitter. J'ai lisé les commentaires des gens sur les Jutras par rapport aux problèmes techniques de son et de mauvais texte et de sketch butché et de patterns de même. Là. C'était vraiment pénible. Très bon. Ouais. Ah, c'était pénible. Est-ce que c'était pire que mon animation? Ah, clairement, là. Clairement, OK. Ben, moi, j'adore le cinéma québécois. C'est à peu près le seul gala au monde que j'écoute, les Jutras. J'avais hâte de l'écouter hier. Mais vraiment, c'était insupportable. On s'en reparlera tantôt, plus en détail. D'accord. Commençons l'émission tout de suite avec un petit peu de musique. Prends une pause de moi, là. Avec un extrait du palmarès anglophone, on va écouter Camilo the Magician. C'est par Seth the Whale. À Assemblage Requis. Au 89 FM. Hey, ça commence. Moi, je pense que c'est l'émission qui commence le mieux à date. À date, là, dur à battre. Je sais pas. About this. around, I almost lose my mind, but I try to hide it. J'toquais des bruits. je vois une pancarte. Fais de la place avant que tu partes. Cauchemar de course de Bernard Adamus à l'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Bernard Adamus qui va être de la première soirée des demi-finales des Francouvertes. C'est lundi le 12 avril. C'est drôle, un grand laps de temps entre la fin de la ronde préliminaire et le début des demi-finales qui a lieu le 12 avril. C'est dans deux semaines, c'est bien ça? Mm-hmm. Dans deux semaines. C'est loin? Oui. Parce que c'est la semaine dernière qu'il y avait la dernière ronde préliminaire. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a un trou de trois semaines entre les deux. C'est chercher, fouillez-nous. Au pire, interrogez-nous avec une lumière, un spot d'en face. On ne saura pas plus. T'sais. C'est comme ça. Voilà, donc vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Tantôt, on va parler un petit peu des invités des talk shows dans les prochaines journées, prochains jours, prochaines soirées, prochain laps de temps entre deux périodes de 24 heures, etc. Hein? Oui. Il y a Bonavoir qui va t'intéresser tantôt. Oui. Oui. Pas mal bon. Pas mal bon. On va aussi avoir un. Hein? Non, vas-y. Non, vas-y. Toi là-bas. Ah, wow. Enfin, tantôt, Maxime Lemulaire-Amé aussi. Et sûrement plus que ça. Mais pas trop. Je sais pas. On va écouter un petit peu de Radio tantôt, là. Avec Enfant spécial. Ouais. Ben, on va faire ça tout de suite, Mathieu. J'essaie de me battre moi-même en termes de choses qui sont pas compréhensibles qui sortent de ma bouche, ça. Prendre l'autre pastille et voir ce que ça va donner. Ils ont du jus dedans, je peux quand même les boire. C'est comme boire des pastilles, c'est pas vrai. Très bonne idée, ça. Je sais pas si dans le blender, ça ferait un bon petit mélange, un petit drink. Un genre de bloody... bloody pastille. Naki Moshi, un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Naki Mo, Naki Shego, Akistin Fima, vraiment cheese que t'es. Dis ta vie drôle, pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a haute prescription pleine de Ritaline, halogène ou Valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciaux. Hello, schizo multitask, il faut que tu pick up the check avec une face comme ce set. Au moins ma mère touche, je suis cute, à même ramener si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, oui, j'pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. Aki Moshi, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Aki Moshi, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, c'est ça que j't'ai invité. Ma qui moi chie pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre yen, pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois est pas vraiment là. Ma échec, tu sais, parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, je t'aime jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute, ma jeune enfant de l'état. Ma qui moi chie pour dire tout ça, c'est vrai. Pis j'en fous comme des balles, pis j'en vends point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back Cécilien. J'ai dit fun dans un fun 3 ans, pis j'm'en porte tout mes pieds. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, toi t'es un enfant spécial. Ouais, je suis un singe, je suis un roi, je suis un coureur de bois. Je suis un capitaine d'un bateau, je suis Jésus sur la croix. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un grand-père, pas un bébé. Je suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. Je suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a rejeté en sorcelé. Je suis un pauvre, je suis un riche, je suis un chien d'une caniche. Je suis un clean cut, rap un hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi je suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et j'jump d'une planète à l'autre, toujours après me moquer. De l'énergie qui déborde, moi j'vais me laisser m'emporter. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux.

Et ça va l'air avec la pièce SP for Lovers. C'est extrait leur premier album. Mais le nouvel album va être lancé le 18 mai prochain. C'est bientôt et c'est attendu avec pas mal d'impatience. Le nouvel album de Mr. Valère et Mr. Valère qui font partie des 7 artistes qui étaient la semaine dernière ou là 2 semaines, qui ont fait partie de la semaine des 7 péchés des frérots. Je sais pas si t'as entendu parler de cette semaine-là. Non. C'est les Frères du Son. Tu connais les Frères du Son? Oui. Qui ont fait une semaine spéciale avec 7 artistes dans la même semaine. Les 7 péchés des frérots, donc 7 artistes différents. Il y avait entre autres Carquois qui a participé. Il y avait aussi Mr. Valère qu'on vient d'entendre. Rianne Perrault, Jérôme Minière, Mono Grenade, Antoine Graton et Alexandre Desilets. Puis tout ça est disponible, est en ligne aujourd'hui sur le site des Frères du Son. Donc, on met ça en ligne aujourd'hui, toutes les 7 entrevues et prestations aussi. Non, c'est des entrevues, souvent c'est des entrevues avec ces 7 artistes-là. Donc, allons voir lesfrèresdusson.com. Voilà. Voilà. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées pour encore, quoi, 1h30. Ce qui s'en vient très, très bientôt, là, c'est Maxime Lemulaire-Amé. Il va être là dans les prochaines minutes. C'est certain, je dirais. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'on va retourner en musique un petit peu. Oui, dans le prochain bloc, il va avoir, entre autres, la nouvelle pièce du nouvel album de Carquois qui sort demain. Donc, oui. Justement, on en parlait avec les Frères du Son. Ils ont participé à cette semaine spéciale, les Frères du Son. Mais on va entendre Les Chemins de Verre, qui est la première extrait du nouvel album de Carquois. Un autre album très, très attendu. Oui, demain, on devrait entendre. Demain, ici, demain? À l'émission, on devrait pouvoir entendre de nouvelles pièces. Là. OK. Je pense que oui. Demain. Tu penses ça, toi? Ben, moi, que t'aies l'album, toi. Non. Non, on a reçu Xavier Caffeine comme 6 mois en retard, mais pas encore reçu. Dommage. Dommage. Ça arrive des fois qu'on a un petit délai ici. Ouais, bon. Que voulez-vous? Alors, on va entendre un petit peu Tricot Machine. Tricot Machine qui était en entrevue aujourd'hui même au Dîner de Cons sur l'heure du midi, tout à l'heure. Là. Et l'entrevue va être sur le site de C'est Fou, éventuellement sur le cifou.ca et dans les meilleurs moments sûrement vendredi matin. Alors, on va aller entendre encore une fois la pièce Défi les rites, qui est la pièce sur les palmarès. Elle joue beaucoup, mais il faut se la mettre dans l'oreille un petit peu pour l'apprivoiser et de plus en plus l'avoir sur le palais, comme avoir envie. C'est comme tu sais, quand tu veux décider c'est où tu vas aller manger un fast-food. Là. Faut que tu t'imagines en train de le goûter, tu sais. Toi, c'est automatiquement fast-food. Ouais. Faut que tu décides où tu vas manger. Et voilà. Fallait que tu spécifies fast-food. Fallait, j'ai pas le choix. Ah, on se connaît bien, là. Défi les rites de Tricot Machine. Assemblage requis. Sauvage, sans faire le ménage, je nous reconnais pas. On est sorti par derrière, on a fermé les lumières, libéré le char. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. L'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature, respiré l'air pur et trouvé la foi. Qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. Cheveux, nous, bateau, vent. Venir ne nous rendra pas sages. Le plus souvent, on... C'est fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Vous écoutez Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Les chemins vers la nouvelle pièce de Carquois dans Assemblage requis. Hein? Carquois, nouvel album qui s'appelle aussi Chemin vers. Oui, on devrait en écouter les nouveaux extraits demain ici à l'émission Assemblage requis dès 15h. T'en promets des affaires, toi? J'ai intérêt à. On ne sait pas encore si on va entendre demain, mais on va dire que oui. Oui, je te le dis. Ben oui, on va entendre demain. Bon, sinon, Kiwan va aller acheter l'album lui-même sur iTunes, c'est ça, hein? Ben, c'est ce qui est prévu, en fait. Quoi. C'est ça, il me semble aussi. Ça, c'est le genre d'album Carquois que je vais acheter en format physique, justement, tout cas. Ah, il va être en magasin. Je vais me déplacer demain, là. Ça, je vais même mimer moi qui marche dans la rue. Ben oui, c'était réaliste, hein? C'est incroyable. Tu as même dessiné une barbe sur le doigt. Oui. Pour avoir l'air plus... Bon, donc, ben Maxime s'en vient, là. C'est promis, il est là, je le vois, il est derrière la porte, il n'ose même pas l'ouvrir parce qu'il ne veut pas nous déranger en plein travail extrême qu'on fait ici. La porte s'ouvre pas plus quand je dis ça. Je pensais vraiment qu'elle a rentré, mais non. C'est peut-être verrouillé aussi. Bref, va être là dans quelques minutes. Maxime, en attendant, on va aller écouter un peu de Hot Chip et aussi, tout de suite, une pièce de Waving Hand qui vont faire partie de la prochaine édition des Feux de forêt dans le désert. Donc, la dernière édition, c'était la semaine passée. Là, donc, c'est quand même dans un petit bout encore. troisième vendredi du mois d'avril. Là. Je ne sais pas exactement ça tombe quel jour. Je pense que c'est le 16 avril. Oui, exactement. Le 16 avril, Waving Hand vont être à l'appart pour les Feux de forêt dans le désert. Il va aussi avoir Torn Gat, le groupe de Montréal, ah, cool. qui fait de la musique planante, ouais, instrumentale et excellente. Donc à date, c'est les deux groupes qui sont confirmés, Torn Gat et Waving Hand, pour les Feux de forêt dans le désert du 16 avril prochain. On écoute la pièce « Bonne nuit, mon cœur ». Pendant que je vous renseigne sur le fait que Maxime t'allait chercher des pinottes, je pense. C'était-tu des pinottes, des framboises, ou c'était-tu des arachides, des quoi, des pinottes? C'était bien des pinottes? Enrobées dans le chocolat. Moi, j'aime mieux les amandes salées, fumées. T'aimes pas les amandes? Non, c'est des amandes. Il mentait le premier coup, je savais rien. Ne pas faire confiance à Maxime Le Minerame. Jones. in tongues like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie alone, we wear each other's heads like hats, speak in tongues like alley cats, cradle them in both our laps, and we die alone. Sleep inside a blanket of bed, planted like the crocuses. In the song my mother said she wanted us to sing. We sleep inside a blanket of bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. Ces chats, laisse-le parler. Il parle de petit mou. Non, moi j'aime vraiment mieux celle-là. Oui, vraiment. J'ai hâte de voir le clip de celle-là. Ouais. Le clip d'I Feel Better, il est difficile à battre. Ouais, allez le voir, Hot Chip avec I Feel Better sur YouTube. Là. Et restez là jusqu'à la fin. Hein. Regardez pas juste le début. Le début a l'air plate un peu, mais pas plate du tout. Quelque chose qui est plate, par contre, c'est le hockey. Et Maxime, le mulet ramé, est avec nous. Pas pour en parler, mais il est là pareil. Salut, Maxime! Hey, salut. T'arrives du hockey ou pas? Ou non, pas du tout. Ça joue pas le jour, ça, hein? C'est juste le soir? Ouais, ça joue jamais le jour. En fait, c'est interdit, je crois, de jouer au hockey le jour. C'est trop dangereux. T'es dans, tu disais, tu parlais de grade tantôt, t'es dans... Ouais, moi, vu que je suis petit, je suis dans senior. Ben, c'est ça, les gens savent pas, ça marche comme les œufs. Selon la taille, c'est ça, exactement. C'est comme grade A, puis les poids plumes. Ouais, petit, gros et moyen, en fait. C'est ça. Exactement. T'as-tu jumbo aussi? Jumbo, ouais, ça dépend à quel âge. À quelle heure de la journée. À quelle heure de la journée. Ça dépend si tu joues au Club Price, là, ça se peut qu'il y ait des... Costco. Au Costco, excuse-moi, ouais, c'est ça. on utilise le bon nom de marque, eux autres qui changent de nom à chaque 2-3 ans. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, super. Alors, chronique télécharge quoi? Trois artistes à découvrir que je présente. Et là, cette semaine... c'est bien dit, oui. Fais-tu que je le dise autrement? Non, comme ça, c'était clair. Ben, c'était mieux que moi au début de l'émission. Je disais que c'était des découvertes musicales, mais c'est pas nouveau tout ça. Là. C'est pas des découvertes. Hein. On pourrait faire un jingle genre les artistes de la chronique Télécharge quoi sont présentés par Maxime Emile Ramé. Puis c'est vrai, c'est toi qui les présentes, ça marcherait. Ah, ça. Ou j'avais pensé aussi, tu sais, arriver vraiment à 3 heures, puis faire le 3 à 3. Tu sais, il y avait le 6 à 6. Ah oui. Le faire le 3 à 3. Il y a le 7 à 7, le Super 7, le Super Mix, le Super 6. Ça existe tout ça? Sûr. Okay. Le Mix 96. Je m'ennuie vraiment du 6 à 6. Tu sais, avant, c'était malade, là. Avec Denis Fortin. Ouais. En tout cas. Mais là, alors, aujourd'hui, je vais parler de The National qui vont être à Oshiaga. On en parlait tantôt. Fait partie des groupes que tu préfères le plus dans ce qui est sorti à date de la programmation. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, des groupes que je connais ou des groupes que je trouve pas poche. Alors, il y a The National et Arcade Fire aussi. Là, et mais... lesquels que tu trouves poche déjà? C'est Ian Kelly. Puis Ariane Moffat. Ariane Moffat. Ariane Moffat, c'est quoi? Elle reprend des pièces anglophones et les refait en... Ouais, ben, apparemment. Ben, moi, j'ai entendu, je pense, à Christine Charest, il parlait de ça, que dans l'émission Trauma, qui était à Radio-Canada. L'émission médicale. Ouais, c'est ça. Ben, Ariane Moffat a fait la trame sonore en reprenant des chansons en anglais, genre des chansons vraiment connues. Là, mais un peu comme Sylvain Cossette, là, pareil. C'est ça. D'accord. Mais à sa manière. Là. Disons qu'elle est sûrement plus artistique que Sylvain Cossette. Là. En tout cas, je ne vais pas m'embarquer dans les choses que je déteste. Là. Je me trouve... Bitch. Ouais, c'est ça. Je me trouve bitch. Bitch. Pis, comme si je me mettais sur un piédestal. Là. Mais en tout cas, ce qu'elle fait, j'aime moins ça, mais elle a le droit de le faire. Voilà. C'est beau comme ça, c'est bien dit. Il parle bien, oui. Alors, The National sort un nouvel album le 11 mai. Ça va s'appeler Eye Violet. Et puis, moi, j'ai vraiment aimé le précédent, Boxer. Là, ça, c'est leur 5e album. Il y a une pièce disponible sur leur site web. Leur site web, ben... Dans un moteur de recherche, vous faites The National. Là, je pense que c'est comme AmericanMary.com. C'est le titre de leur première chanson du groupe. Alors, on va écouter ça, Blood Buzz Ohio, qui est disponible sur MySpace ou sur leur site.com. The National. Assemblage de kick. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car. Right, take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. the floors are falling out from everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. Yeah. I'm on a bloodbust. I'm on a bloodbust. God, I am. Yeah. I'm on a bloodbust. Carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. Yeah. I'm on a bloodbust. I'm on a bloodbust. God, I am. I'm on a bloodbust. Poudreuse. The National avec Blood Buzz Ohio, qui va être sur le prochain album I Violet, le 11 mai, mardi 11 mai. Deuxième artiste dont j'aimerais discuter lors de la chronique. Télécharge quoi, point d'interrogation? Alors c'est Brandon Canning. Canning. Pardon. Et c'est le co-leader de Broken Social Scene. Lui et Kevin Drew sont là depuis le début dans Broken Social Scene. Alors, il a fait un album solo qui s'intitulait Something for All of Us, qui est paru juillet 2008. Puis moi, je suis tombé là-dessus comme... tu sais, on en discutait là, de ce fameux poste-là. Ah non, je pense que c'est un poste vraiment qu'on prend juste à Montréal. Là. Ça se peut... Le 12 à Montréal. Le 12, ouais, à la télé, hein? Ouais. Le 12, CTV, CFCF. Est-ce que c'est CFCF? Non, je sais pas. Je pense que ouais. Non, mais ici, c'est ça, mais je sais pas là-bas. Là-bas? Mais je pense que c'est ça, parce que ça fait... Il y a comme une émission là, qui passe vraiment juste des artistes, puis souvent, c'est des artistes canadiens, torontois, les artistes indie rock, pas mal. OK. Puis je suis tombé là-dessus, puis je sais qu'il y avait eu un album de Broken Social Scene, que c'était Broken Social Scene Presents Kevin Drew. Puis j'avais entendu dire qu'elle allait avoir aussi un Broken Social Scenes Presents Brandon Canning, puis je l'avais jamais trouvé. Il y a à peu près 2-3 ans de ça. Puis là, en fouillant sur iTunes, j'ai trouvé que Brandon Canning avait sorti un album solo. Puis il y a une tune que j'ai vraiment aimée, ça s'appelle Love is New, L'amour est nouveau. Oui, mais bien sûr. Amour, là. Amour. C'est un ou une. Hein, c'est masculin ça? Au singulier, puis c'est ouais. Féminin au pluriel, je pense. Sur le genre. En tout cas, je dis ça, là. Il y a une règle louche. Que c'est quelque chose comme ça. Vous ferez vos recherches à la maison ou dans l'auto ou. Sur votre iPhone. À l'école. Ouais. Mais ouais, en tout cas, je sais qu'il y en a un que au pluriel, il est féminin ou masculin et au singulier, il est le contraire. C'est fascinant. C'est magique. C'est magique. Ouais. Comme le massif. Magique. Puis c'est ça, en passant aussi, Broken Social Scene sort un nouvel album hein, le 4 mai. Forgiveness Rock Records. Puis je sais qu'il y a deux nouveaux extraits qui sont disponibles sur MySpace et même sur leur site.com. Mais pour l'instant, on va écouter Brandon Canning avec Love is New. Elle télécharge quoi? Via Assemblage Reiki. Sur les ondes du 89.1 FM. Exact. Brandon Canning, Love is New, d'un vieil album de 2008, Something for All of Us. Un vieux 2008, plus ou moins vieux. Relativement vieux. Ouais. Vieux peut-être comme une canne de conserve dans ton garde-robe. Donc, garde-manger. Brandon Canning, Ça aurait été bon, Canning, tu sais. Ouais. T'as juste fait canne. En tout cas, c'était correct. C'est un beau jeu de mots. Ben on l'avait pas fait encore. Combien tu l'aurais donné, mettons, lui aurait donné sur 10 cannes? Mettons. Ben, sur 10 cannes, je t'aurais donné peut-être 5,8 cannes. OK. Puis la façon que je l'ai raconté de deux. Mais 5,8 cannes de thon, des petites cannes. Ah, OK. Ou tu sais, les petites cannes de pâte de tomate, c'est tout petit. Ah, ouais. Jaune? Ben, rouge. Moi, celles que j'ai vues. OK. Ouais, rouge. Si c'est des sans noms, ils sont jaunes. Oui, c'est ça. Ben, tous leurs produits ressemblent à un bidon d'huile, les autres. J'achète d'un bidon d'huile. de la mayonnaise dans un pot jaune écrit noir dessus, c'est-tu laite? Si bas. Non, mais de la mayonnaise, moi, je suis pas capable d'acheter un gros pot de mayonnaise. Même un des, petit fois, pot. Des fois, j'étais à l'épicerie, puis je dis, ah, je vais acheter deux petits pots, parce qu'un gros pot de mayonnaise, ça, ouais. ça devient tout crotté après... Tu t'as pas assez de le couteau, il est jamais assez long. Faut que tu prennes une spatule pour reprendre ta. Ouais, mais non, mais tu sais, il y a les formats qui squeeze. Squeeze. Squirt. C'est ça, ça. Ben oui, je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Fait que, non, mais tu sais, tu prends 2 litres de coke, là, puis ça a l'air d'un bidon d'huile. C'est juste résumé, c'est affreusement laid, là. Ouais, moi, je les achète pas, ces marques-là. Ben moi non plus, juste parce que c'est laid. Superficiel de même. Hein. Le produit n'a pas l'air bon. Ah non, ben je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Tu me mets-tu un petit fond, là, quelque chose? Là? Ben, je pensais qu'on s'en allait... En pause? Ah, il te reste, non, il te reste un troisième choix. Mais je me disais, oui, il faudrait qu'on s'en aille en pause. C'est exactement ce que je voulais dire. Moi aussi, je file pour me détendre. Ben, moi aussi, je pense que finalement, c'est gagnant. Tout ça, tout le monde est d'accord. Fait que, go for it. Kiwan, t'es d'accord? Ben oui. OK. Ben, si Kiwan l'a dit, on y va. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu qui sont accompagnés de Maxime le mieux ramé parce qu'on est dans sa chronique Télécharge quoi. Exactement. Il reste un artiste à présenter. Ouais, ben, artiste dont on a déjà parlé, hein, Kiwan Falls. Toi, t'avais quand même aimé Antidote, le premier album. Ouais, ben, j'ai pas écouté l'album au complet, là. J'ai écouté quelques pièces comme ça. Sur MySpace? Sur MySpace. J'ai des pièces sur mon ordinateur, si je sais pas où j'ai pris ça, mais bref. Sur iTunes, sûrement. J'aime bien ça, Falls, ouais. Alors, c'est ça. Falls va sortir un deuxième album, Total Life Forever. Total Life Forever. Alors, c'est quoi? Ben, vie totale pour toujours. Pour toujours, hein, c'est ça. Hein. Okay. C'est plus quelque chose d'absurde, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de définition tant que ça. C'est un petit peu comme Batman Forever. Ouais, c'est ça. Mais Total Life Forever, ça pourrait comme quasiment être un album des Backstreet Boys. Ah oui, c'est un boys band. En tout cas, alors, Falls, qui avait sorti Antidote sur Sub Pop, sont encore sur l'étiquette Sub Pop. Tu l'aimes, toi, cette étiquette-là, Mathieu? Sub Pop, sûrement. Il y a tes artistes préférés, là, les deux comiques, là. Flight of the Conchords. Ah, le Conchords là-dessus? Ah, cool. Ben oui, j'aime ça. Aussi Wolf Parade. Uh-huh. D'autres choses, là, je veux pas non plus me mélanger. Là, mais... well, si Wolf Parade est là, il y a Handsome Furs aussi. Ah. Il y avait The Shins, mais je pense que The Shins n'existe plus. Hein. Est-ce que vous saviez que le chanteur de The Shins est sur le groupe Broken Bells? Mm-hmm. Vous saviez tout ça. Mm-hmm. Hein. Fait que The Shins, en tout cas, il y a une pause, mais Sub Pop, c'est ça. C'est tout. OK, ben, alors, cool. Je suis content de le savoir. Alors, Falls va être à Dublin le 14 mai. Ça faisait longtemps. Non, mais ça faisait longtemps, là, Dublin. C'était pas Berlin? Ah, c'était Berlin, hein? Ah, lui qui voulait faire un callback, mais raté non, complètement. Ils doivent être à Berlin aussi. Mais Dublin puis Berlin, ça se ressemble. S'ils vont à Dublin, puis ils vont à Berlin, puis ils vont à Berlin, puis ils vont à Pascaro. Ah, c'est ça, ils risquent de faire le tour. Alors, l'extrait, il y a quelques extraits sur... Il y a deux extraits, en fait, de l'album qui sont disponibles sur MySpace. Deux extraits. Il y a Sahara quoi? Non. Spanish Sahara. Il y a aussi un remix de Spanish Sahara nommé Mount Kimmel Remix. Ouais, mais nous, on va écouter Disorient. C'est bientôt Berlin, c'est le 12 avril. Ah, c'est le 12 avril à Berlin. Ouais. C'est quand le 12 avril, dans deux semaines? Ouais, à peu près. OK. Exactement, même, je dirais. Exactement. Wow. Disorient the Falls. Assemblage requis dans le bloc télécharge, quoi? We'll be right back. this western feeling. It's your call that gives you. Rencontrerais-tu Marie-Mé et tout? Sûrement. Ouais, il disait que des artistes. Des artistes, en excuse. Alors, c'était Falls avec la pièce Disorient qui va être sur l'album Total Life Forever. Ouais, ça, on dirait les Spice Girls, tu sais, là, quand il y avait la tune Viva Forever. C'était ma tune préférée. Non, c'est bon. Spice Girls. Viva Forever. Moi, ça, il n'y avait pas un album qui s'appelait genre Totally Spice. C'est ça. Vraiment, Falls ont copié les Spice Girls. C'est sûr, hein. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maxime Lemieux, la ramée. Are you ready to rumble? On se retrouve lundi prochain pour ta chronique télécharge, quoi. Promis. Ça a rapport avec aucun des sports que Maxime nous dit qu'il pratique, mais are you ready to rumble? Ça n'a aucun sens. C'est pas de lutte. C'est pas de lutte, Maxime. Non. Non? Pas officiellement, non. C'est-tu du... chose sumo? Du lutte sumo? Du lutte sumo? Sébastien, du lutte sumo. Non, j'en fais pas non plus. Okay. Pas officiellement. Okay. Je suis pas dans une ligue. Joues-tu au ping-pong? Ben oui, je joue au ping-pong. Mississippi? Non. Des billes. Fatigué avec ton Mississippi, personne sait c'est quoi. Ben oui, je sais c'est quoi. C'est sur une table. Ben oui. Tu sais, c'est sur une table. Ça l'explique. Non, mais c'est même pas sur une table du Mississippi. Ben oui, c'est une table de bois. Ouais, c'est pas à terre. C'est pas à terre. Non, non, c'est une table. Puis tu lances des genres de pucks de hockey en bois. À terre, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a à terre? Les billes. Ouais. Les pichenottes. Non, pas les pichenottes. La pétanque. La pétanque. Non, mais le croquet. C'est un triangle, tu sais, un triangle à terre, puis là, tu lances un anneau avec un bâton. C'est vrai que tu t'éloignes du micro pour dire comme s'il y avait du mouvement. Parce que c'est vraiment très, très sportif, ça, le Mississippi. Ouais. Fait que quand je le mime, faut que je. Ah, mais. Ah, c'est ça le Mississippi. Moi, je pensais que c'était sur une table, puis tu lançais des. Ah, je sais pas, j'en ai aucune idée, en fait. Maxime, t'as raison, c'est ça le Mississippi. Bon, c'est ça. Mais c'est quoi le sport que Kiwan dit? Je sais pas. C'est quoi de bord? C'est la marelle, je pense. La marelle que tu avec le pis danton puis là tu avec le bâton puis tu sais bien. Saviez-vous qu'il y a un centre de pétanque intérieur au Câble à Madeleine? Ah, malade. On ira un moment donné, hein. Ouais, ce serait pas pire. Too many dicks on the dance floor. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy, they're on the front of the army. The only boobs I'll see tonight will be made up from origami. Tell the fellas, make it understood, it ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go, the dance floor rojo ratio. 5-1 is a rodeo, tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night till 5, 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broads, less rods. I can't do battles. Get out of what they count from. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. beaucoup trop de Dex sur le dance floor avec Flight of the Conchords. Assemblage requis. Je sais pas où ils se tiennent au juste, hein, Flight of the Conchords, mais on veut-tu vraiment le savoir, en fait? Non. Mm-hmm. On veut pas y aller. S'il y a trop de Dex, on le dance floor. Hey, au début de l'émission, Mathieu, excuse-moi de t'interrompre quand tu parles de ça Dix nulle part, de toute façon. Mais on a parlé brièvement des Jutras au début de l'émission. Oui. Est-ce que tu l'as écouté, toi, le gala? Non, j'ai pas écouté, j'ai que lu les commentaires live sur Twitter. Moi, j'ai écouté au complet, là, du début à la fin. Et puis? J'ai vraiment trouvé ça insupportable. Okay. Pour vrai, là. T'as sûrement entendu parler des commentaires à propos de l'animation de Patrice Lécuyer. Ben, je sais pas si c'était la faute de Patrice Lécuyer ou des textes qui étaient douteux. C'est sûrement pas lui qui a scripté le gala. Puis moi, je l'adore, Patrice Lécuyer, comme animateur, je le trouve excellent. Sauf que vraiment, hier, c'était tout simplement insupportable. Mais il y avait, sur Cyberpresse, quand j'ai vu un article du Soleil, le titre, c'était « Une chance qu'il y avait les gagnants ». C'est vraiment la phrase qui résume le mieux, je pense, le gars-là. Les petits discours émouvants de Anne Dorval et les autres. Ouais, c'est ça, Anne Dorval, qui était très émotive, fidèle à elle-même. Mais comme on disait tantôt avec Maxime... Même au niveau des films cette année, il n'y avait pas, je trouve, de films qui se sont démarqués tant que ça. Le film qui a remporté le Jutra du film de l'année, c'est J'ai tué un maire de Xavier Dolan. Mm-hmm. Monsieur Quet. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as écouté, jeudi dernier, il y avait aussi à l'émission Infoman la remise des prix Aurore. Non, c'est quoi ça? Tu connais pas les Aurore? Non. Arrête. Non, c'est quoi, donne un savon? C'est, non, c'est un rond de poil, en fait. Ah! Un beau rond de poil, c'est le trophée des prix Aurore. Ça fait 5 ou 6 ans qu'Infoman organise ça, donc c'est vraiment un prix qui pour les pires du cinéma, c'est quoi? Ça. Je sais pas quel adjectif d'écrire pour, tu sais, c'est pas vraiment comme un, c'est pas comme un prix, c'est pas pour des gagnants. C'est un peu comme les Razzies. Exactement, c'est comme les Razzies québécois. Et Xavier Dolan, en fait, pas lui-même, mais son toupet a gagné un prix au gala des Aurores 2010 cette année. Excellent. Donc, c'était le toupet de Xavier Dolan pour la coiffure s'étant le plus illustré à l'étranger. Ah oui, mais bien sûr. Ça donne bien parce que le film J'ai tué ma mère a aussi gagné le prix du film s'étant le plus illustré à l'étranger. Donc, tu vois, c'est quand même conséquent. Hein? Les deux gars-là ont rien à voir ensemble, puis ils s'en vont quand même dans la même direction. C'est comme les Grammys, donc, finalement. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Donc, les Golden Globes, excuse-moi. Moi? Ça n'a pas rapport, les Grammys. Ouais, c'est vrai, c'est pour la musique, les Grammys. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Donc, c'est ça, bref, le gala était moyen, je dirais, hier, mais quand même... T'as tenu jusqu'à la fin? Ah, j'ai vraiment tenu jusqu'à la fin, ça m'a vraiment... Est-ce que ça a dépassé sa case horaire? Non, pas trop, c'est pas super. Mais tu sais, il aurait pu être vraiment beaucoup plus court, s'il avait enlevé tous les sketchs inutiles qui étaient strippés dans l'animation. Pourquoi ils continuent de faire ça chaque année, des sketchs poches? C'est quoi, ils pensent que soudainement, ça va devenir bon avec le temps? Mais justement, tu sais, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, puis je pense que de plus en plus de gens, je pense que c'est rendu presque collectif comme opinion, là... c'est là, des galas, c'est plate. Moi, c'est vraiment ça, la conclusion à laquelle j'en suis venu. Je suis pas capable d'écouter aucun gala, même les galas américains, même les Oscars ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plate, un gala. Mais les Oscars, cette année, j'ai trouvé ça drôle, moi. Ouais. Avec Steve Martin et... c'est ça? Steve Martin. Et Chose, le frère, là. Alec Baldwin. Ouais, Baldwin. Je les ai trouvés vraiment drôles. Puis il y avait des... Ben, c'est ça, il faut être capable, là, mais il y avait des bouts improvisés là sur... des choses qui s'étaient passées pendant la soirée. Puis ça, je trouve que c'est drôle. Tu sais, c'est pas scripté, puis ça fait du bien. Donc, ça valait la peine d'écouter ce gars-là, par exemple, juste pour regarder la télé de même, tu tombes là-dessus, c'est écoutable. Ouais. T'es pas obligé de voir. Ben, personnellement, vraiment... je trouve que oui. Ben, c'est qu'aux Oscars, puis à d'autres gars-là, ils coupent vraiment dans le temps que les gens ont pour donner leur discours. Là. C'est vraiment, t'as genre, je sais pas, c'est 30 secondes, une minute avant que la musique parte, puis c'est comme dépêche-toi, puis va-t'en pour que la soirée rentre dans le temps. Ouais, ben, ici aussi, c'est rendu pas mal. Ouais. Ouais, mais en tout cas, bref, si on parle des galas québécois, là... Mm-hmm. Ouais, les galas québécois, c'est vrai que... Pénible. Ça peut être difficile. Ouais. Mais tu sais, quand t'as un intérêt particulier, t'sais, si c'est le cinéma ou la musique ou peu importe... Ben, ou que t'es toi-même artiste. Ça peut valoir la peine, ouais, si c'était invité, t'sais, pour y aller. Ça peut valoir la peine là, de l'écouter, mais vraiment juste pour être au courant, pour voir qui a gagné, qui a dit quoi, qui était en nomination, mais... Sinon, écouter un gala pour écouter un gala, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont faire ça, de moins en moins de gens qui vont triper là-dessus. Puis ça va devenir finalement un peu comme convenu que un gala, l'animation, personne veut le faire, tout le monde va faire ça un peu sur le tas, puis tout le monde va se dire « je vais me faire planter, je vais le faire pareil ». Puis un jour, ça va devenir banal, finalement, plus personne va chialer, plus personne va dire « ah, un gala, c'est mauvais », parce que tout le monde va savoir, ça va être convenu d'avance que ça va être pénible. De toute façon, tu sais, Patrice Lécuyer, c'est pas comme s'il pouvait tomber de sa carrière. C'est sûr que peu importe ce qu'il fait, il va rester. C'était pas un grand risque là, pour lui d'aller animer ça. Mais c'était quand que les Chicken Swell avaient animé un. Ils n'ont pas fait la disque cette année. Parce que ouais. Ça, j'avais trouvé ça bon, mais moi, je vois que cette année, t'as écouté tous les Jutras du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai jamais fait ça, écouter un gala du début jusqu'à la fin. À un moment donné, je zappe, à un moment donné, je fais quelque chose d'autre. Ben, j'avoue, c'est la première fois que je faisais ça aussi. Puis okay. je faisais d'autres choses aussi en même temps. Là, okay, je suis levé devant mon téléviseur. Mais les Chicken Swells, puis les Oscars, là, moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. Les Teen Choice Awards. Ils gagnent des planches. Des planches de surf. Ouais, ça aussi, c'est excellent. Ah, puis l'autre, les Kids' Choice Awards avec la slim, la glu qui leur tombe sur la tête. Là. La version québécoise aussi, de ça, là, avec c'est... Stéphane Bellavance, non? Ah, c'est vrai, les carves, carves les... anti-gala. Ouais. Carve. Carve, oui. Wouhou. Des galas. Ben oui. Tu fais-tu un jeu de mots de gala? Ben, ouais. J'allais dire... oui. Tu avances. Oui, tantôt, mais j'ai pas osé le faire parce qu'il est vraiment mauvais, je vous avertis d'avance. J'allais dire... Ah, oh, c'est sûr, un gala qui est mauvais, c'est la gueule, hein? Ah non. Moi, un français aurait dit, tu sais, c'est la gueule. Mais moi, je pensais que t'allais dire, c'est qui ce gars-là? Ça aurait pas vraiment eu rapport, là. Ben ouais, Patrice Lécuyer, c'est qui ce gars-là? Mais moi, c'est tout ce qui, Patrice Lécuyer. Peut-être c'est avec vrai. Stéphane Bellavance, ça aurait pu marcher. C'est qui ce gala? C'est qui ce gala? Il a joué dans une sitcom à Vrac TV, puis qui est. En tout cas, qui était même pas avec son vrai nom, puis là, soudainement, il change, puis là, il prend son vrai nom, puis là, tout le monde, en tout cas. Les has-beens, là, en série, avec les gens de Vrac TV d'avant. Non, mais c'est vrai, il y a une web télé qui s'appelle Les has-beens. Ah, oh, c'est à quel poste? Une web télé, non. Sur l'Internet, là. Sur quel, le canal zéro de ton Internet. Sur quel poste Internet? Sur ben, de même, je sais pas, mais Les has-beens, là, bon, ça s'appelle okay. Les has-beens. Puis c'est avec des gens qui étaient à Vrac TV avant, tu sais, parce que quand Vrac TV a commencé, il y avait des gens de VJ. Ouais, mais le Stéphane Bellavance devait pas faire partie de ceux-là. Mais oui. C'est bien... Oui, il était là pour vrai. Colin, oui. Ah oh, oui, je me souviens. Il me semble que c'est bien le seul qui continue à faire de quoi puis à travailler. Ben non, justement, il y en a quelques autres, là. Caroline Néron, là. C'est ça, Caroline Néron, en tout cas, Geneviève Néron, en tout cas, Néron, c'est là qui s'appelle là, Néron, là. Elle était là-dedans, puis elle est actrice à cette heure, elle aussi, fait qu'elle est pas seule. Hein? Mais dans le fond, c'est, ça doit être sarcastique. Là. Ils disent, ils s'appellent eux-mêmes les has-beens, ils se considèrent pas vraiment comme des has-beens. Non, j'imagine. Mais c'est ça, c'est que c'est super bon, hein, pour vrai. Ouais, c'est bon. C'est, t'as peu, je cherche l'adresse. Une web télé, comment ça fonctionne? Tu peux écouter n'importe quel épisode quand tu veux? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ou il y en a des nouveaux à chaque semaine? Ben, ça dépend, parce que justement, vu que c'est une web télé, t'es pas obligé d'en avoir un à chaque semaine. Hein. Ouais. Tu peux en avoir aux deux semaines, au mois, si ça te tente. Quand ça te tente, tu y vas. Ouais. J'adore ben, ça comme concept. C'est ça. Bref, bon, les has-beens, je trouve ça. Ben, j'essaie de le trouver, mais j'y trouve pas. Ça existe pas, finalement. c'est un rêve qui était fait la semaine passée. J'ai sûrement... une mauvaise façon de l'écrire. Aussitôt que Mathieu se décide à produire cette émission-là, elle va être en ligne. Ah ouais, ça serait bon. Avec un gars geek. Mais ça, un gars geek, c'est pas comme si c'était revenu pour en parler plus souvent puis qu'on puisse faire de quoi avec ça. Hein? J'en ai parlé au moins 4 fois. Mais tu nous mets ça dans les mains comme si c'était à nous autres de trouver les sketchs. On n'est pas des scripteurs, nous autres. Là. Faudrait que je scripte les sketchs. Ben oui, mais là, t'es un créateur ou t'es pas un créateur? Hein? Bon, ben, peut-être l'année prochaine, là, je vais y penser cet été. Bon. Ah, je sais pourquoi. C'est has-been avec B-I-N-E au lieu de B-E-N. C'est pour ah, ok. Comme une bin, là. Ben oui, comme une bin, hein. Ouais, ou comme Amanda Bain, non, je sais-tu, non. Non. C'est has-been. On dirait que t'es fâché, puis je comprends pas pourquoi. Tu m'énerves. H-A-S-B-I-N-E.ca. Bon, ça va faire. Ah, ça a l'air excellent. Ça l'est excellent. C'est qui, C'est quoi, tu veux que je fasse toute la recherche pour toi pendant que je suis... Ok, je vais aller chercher. Là. Attends un peu. Bon, après avoir écrit le script d'un gars, Guy. Ben ouais, t'as rien que ça à faire, pareil. C'est ça. Antoine Mongrain, tu te rappelles-tu d'Antoine Mongrain? C'est lui, là, ce gars-là. Ah oui, Jean-Dominique oui. Leduc, tu te rappelles de lui? Ouais. Ouais, bon. Audrey Lacasse, la fille, là, c'est la belle fille. Bon. Oh, ok. On s'entend. Et puis, ouais, c'est ça, c'est les trois. Là. Ils sont pas toutes là. Chose Néron est pas là. Ok, donc, bref. Il y a c'est... ceux qui ont des barres, ses yeux, là. Ils ont été éliminés. Ils participent au projet Les has-beens parce qu'eux autres, ils ont des carrières. C'est vrai, vous le pire, moi. Stéphane Bellavance, chose, puis chose. Bon, super. Et voilà. Qu'est-ce que tu disais, Kiwan? Absolument rien. J'étais pas supposé être parti, moi. Je sais pas, ouais. T'as tendance de faire ça, là. T'en aller. Espèce de has-been de la radio. Ciao, bye, claque la porte en sortant. Voilà. Bon. Beau travail, Kiwan. Donc, pour finir sur le thème des Jutras. Ah, on était-tu des Jutras, c'est vrai. Je me rappelle plus. Tout ce qu'on a dit dans les 15 dernières minutes, c'était tout relié au Jutra. Non, en terminant, là, si ça peut t'intéresser d'avoir quelques noms de gagnants droppés comme ça, meilleur film, c'est J'ai tué ma mère, et meilleure réalisation, Denis Villeneuve pour Polytechnique. Donc, c'est pas mal les deux prix les plus importants du côté de production. Et pour l'interprétation. Est-ce que c'était ça que tu pensais? Meilleur film, non, je pensais vraiment pas. J'ai tué ma mère, je trouve vraiment pas que c'est le meilleur film qui a été fait. J'aurais pensé, moi, s'il y avait un prix à donner pour le film J'ai tué ma mère, ça aurait été plus justement réalisation, parce que photographie, j'ai beaucoup aimé la direction de la photographie, je sais pas comment on dit, en tout cas, de ce film-là. Mais je pensais pas, non, vraiment pas meilleur film. Mais en même temps, je trouve ça le fun pour Xavier Dolan quand même, qui écrit ce film-là à l'âge de 17 ans, qu'il l'a réalisé à 20, peut-être il y a 21 présentement, Xavier Dolan. Donc je trouve ça quand même très cool pour lui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de talent, qu'il va faire d'autres films qui vont être excellents. Il y a même, je pense que j'ai vu une bande-annonce d'ailleurs de son prochain film. Mais quand même, je pense pas que ça méritait, bon, en tout cas moi, là, personnellement, le film de l'année. Polytechnique, qui a remporté meilleure réalisation, ça, je suis content pour lui. Et Sébastien Ricard, alias Dédé. Oui, c'est ça. Ben, pour son rôle de Dédé, qui est aussi Batlam de Colocas. Ouais. Donc, qui a remporté meilleur acteur pour Dédé à travers la brume. Mais ça, je suis vraiment très content. Je pense que c'est vraiment lui qui le méritait. Sinon, meilleure actrice, Anne Dorval pour J'ai tué ma mère. Actrice de soutien, Sandrine Bisson, qui jouait la mère dans 1981. Probablement que ça ne dit absolument rien. Ben, le film, oui, mais tu me disais que c'était le genre de film que si t'étais pas là dans ces années-là, c'était un petit peu difficile de te... Ouais, c'est ça. 1981, il y a tellement de références à 1981. Ça doit être un film qui doit être génial à écouter si t'avais toi aussi 11 ans en 1981. Ouais. Mais tu sais, moi, je l'ai aimé, le film. J'aimais ça, j'ai trouvé ça divertissant, mais je pense que le potentiel maximum là, de ce film-là, c'était pour vraiment les gens qui ont le même âge que Ricardo Troggi. Donc, je sais pas, peut-être 30-35, un petit peu plus vieux que nous, bref. Puis, il parlait peut-être hein, éventuellement de faire une autre version qui serait comme 1986, qui serait son adolescence. Donc, peut-être qu'on aurait plus de références, mais en même temps, ce serait des références d'un ado. Ouais, parce que j'avais 3 ans. Ouais, c'est ça, donc on n'aurait pas tout à fait les mêmes, mais peut-être qu'on reconnaîtrait peut-être plus de références. C'est ça. Bon, c'est bien ça. De toute façon, si vous voulez consulter là, la liste des gagnants des Jutras, c'est disponible pas mal partout. Everywhere! Donc, on va justement écouter un hommage au grand gagnant des prix Jutras d'hier, Xavier Dolan. Vidons là dans la question! Voici le jeune réalisateur dont tout le monde parle actuellement, Xavier Dolan. Oui, Xavier Dolan. Quel bon nom, c'est Xavier Dolan. Oui, mais c'est Dolan. Merci beaucoup, Xavier Dolan. Dolan. Dolan, c'est Dolan. Dans cette pièce-là, on voit un portrait un peu, peut-être un peu négatif hein, de Xavier Dolan. Ça a été fait quand même un petit bout de temps, là, plus qu'un an, cette pièce-là. C'est ça, on peut avoir une opinion un peu négative de lui. Puis j'avais cette opinion négative de Xavier Dolan. J'avais l'impression qu'il était vraiment très prétentieux puis qu'il aimait vraiment beaucoup sa personne. Il se donne des airs. Mais il avait pas l'air de ça hier. Là, il était hyper ému à chaque fois qu'il est allé sur scène pour recevoir des prix. Puis il avait l'air un peu dépassé par les événements, mais quand même, il était en train de se faire dire que son film est excellent là, par l'industrie. Donc c'est sûr qu'il avait, du monde, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à être émouvant, à être ému puis à être fini par deux comme les gens finissent. Il y a beaucoup de raisons deux. C'est ça, ouais, exact. Mais non, mais il a pas donné l'image hier, l'image qu'on voit de lui dans la pièce Xavier Dolan. Mm-hmm. Il n'a pas l'air prétentieux, je trouve. Est-ce qu'il était sur un roulis roulant comme dans... Non, Raoul Duclan. Non. Wow. C'est pas ça qu'ils disent dans la pièce. Je sais pas. Faudrait leur demander les paroles. Hein. Ouais. Bref, ce que vous avez entendu tantôt, c'était évident là dans la question avec la pièce « Tout le monde aime Xavier Dolan ». Et nous, on revient tel un roulis roulant ou comme un boomerang. Un boomerang. Après la pause. Ça rime pas avec un, par exemple. Vraiment pas. Non. C'est d'autres mots qui... Message publicitaire. Non. Les publicités des commerçants. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Vous écoutez Assemblage Reiki jusqu'à 17h. La pâte rose avec la pièce Lamarelle, assemblage requis. Je pense que c'est pété à la gueule à la fin. Hein? Marelle, comme quand tu joues à Marelle, quand tu sautes avec les craies. Là. Ouais, c'est toi qui es l'expert des jeux de cour arrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec ton Mississippi et autres. Bref, Mississippi, c'est pas à terre. On reviendra pas là-dessus. Là. Mais qu'est-ce qui est à terre? Je comprends pas. Qu'est-ce qui était à terre? Je sais pas. Non, mais t'as jamais vu ça? T'as jamais vu des vieux dans un parc jouer avec des bâtons, là, puis pousser une rondelle par terre? Non, pousser une rondelle. Non. C'est de la pétanque, ça, non? Mais non, c'est des boules, les pétanques. Bref. Les fers à cheval? Non, ça, tu pousses rien là-dedans. Arrête, s'il te plaît. OK. Bon, donc, il me supplie d'arrêter, c'est le moment donc d'arrêter. Oh, supplie, Mathieu. Parlons des invités musicaux dans les talk shows américains, hein, parce que c'est là que ça se passe côté musique alternative dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller cette semaine si on veut voir des bonnes prestations d'artistes? Bonne question. Commençons par ce soir, Tonight is the Night. Hein? Il va y avoir Julian Casablancas à l'émission de Jimmy Fallon, c'était à 00h30 sur NBC. Et puis à l'émission de Carson Daly qui suit à 1h30 du matin, c'est une reprise, mais quand même, l'invité musical est Fan Farlow. Donc, très, très bon choix sur NBC ce soir, mis à part, Jay Leno, qu'il y a Just Stone. Ça, c'est peut-être pas dans le même genre, tu sais. Je connais pas, mais ouais, sûrement que si c'est à Leno, hein, ça doit être... C'est un petit peu inquiétant, ouais. Mardi, pas grand-chose. Mercredi, The Doves à Carson Daly, encore une fois à 1h30. Ça, c'est très, très bon, The Doves. Jeudi 1er avril, OK Go. Ils font le tour pas mal des talk shows depuis les dernières semaines. On entend leur nom souvent dans cette chronique-là. Mais là, ils vont être à Jimmy Kimmel. C'est à 00h05 sur ABC. On termine avec vendredi, où il va y avoir à David Letterman. Ça, c'est à 23h30 sur CBS. She and Him, formation dont on parle. On a parlé plusieurs fois de She and Him avec Stéphanie Gagnier et avec Maxime Lemieux-Ramé. L'album est sorti la semaine dernière, l'album Volume 2 de She and Him. C'est le groupe de Zoé Deschamps. Bon, donc on va entendre un petit peu de She and Him tantôt. On va entendre aussi du Fan Farlow. Mais on va commencer avec OK Go. Et ça fait vraiment trois affaires là, qui riment de suite. Là, j'en reviens même pas. Hein, ça. Puis je vais recommencer à parler de pétanque puis de Marielle tantôt, je pense. Ouais, on devrait s'informer là, un peu là. Ouais, on va taper sur Google sport que tu lances des affaires avec un bâton puis dans le sable avec des vieilles personnes dans le parc. OK. On va trouver ça, mais je suis bien certain. Google-moi ça, P1. Vous êtes Assemblage Rocky, 89.1 FM. Just when you hide. They drive the same road. Fanfaro avec la pièce Harold T. Wilkins. On vient d'entendre ça à l'émission Assemblage Rocky sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Fanfaro qui vont être cette semaine. En fait, la prestation qu'ils ont fait, c'est où? C'était... en tout cas, bref, la rediffusion va être diffusée, c'est à Carson Daly, c'est ça? Ah oui, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et Fanfaro aussi qui ont fait un petit album, un EP qui s'appelle Fanfaro College Radio Sessions. Donc, des pièces qu'on peut présumer, selon le titre de l'album, qui ont été enregistrées dans les prestations live des radios universitaires américaines. Mm-hmm. Cet album-là est téléchargeable gratuitement sur, entre autres, le MySpace du groupe. Vous allez au www.myspace.com/fanfarlo, F-A-N-F-A-R-L-O. Mm-hmm. Et en plus de tout ça, Fanfarlo vont être à Montréal bientôt. Ils sont justement dans une tournée nord-américaine parce que c'est un groupe anglais. Présentement, ils sont en Amérique du Nord et ça va les amener à Montréal ça, le 10 avril prochain au studio Juste pour rire. Il avait prévu en fait de faire un spectacle l'automne dernier, l'été dernier. Donc ça fait quand même un bout de temps. Le spectacle avait été annulé. J'ai jamais su trop pourquoi. J'avais présumé que c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas vendu assez de billets. Bref, le spectacle avait été annulé. Il n'avait jamais eu lieu. Donc, ils se reprennent pour Montréal le 10 avril prochain, le groupe Fanfarlo. Bon. Nous, il nous reste que quelques minutes à peine à cette émission d'Assemblage Rocky. Il nous reste environ 7 minutes ensemble. Donc, on va écouter une pièce de Vanessa Paglietta tout de suite. Elle s'appelle « J'ivresse ». Et après ça, bon, on revient se dire « bye-bye ». Bye-bye ». Comme « Non? Identique. Identique à ça. On va faire ça tantôt. Pareil, loin. Vanessa Parietaire et la pièce Givresse à Assemblage Requis, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. C'est ce qui termine l'émission. D'aujourd'hui. Donc, c'est la fin de l'émission et on se retrouve demain à 15h avec une autre édition d'Assemblage Requis. On va voir Émilie Gauthier pour parler de plein air demain. On va aussi, comme d'habitude, faire le tour des nouveautés CD de la semaine. Ne manquez pas aussi demain matin à 7h, Simon Fitzbay avec l'émission S'appelle-on des jeunes. Oui. Les 9h. L'inconduite de partie. Oui, il pense des fois nous parler de sport, mais il n'est pas passé. Il n'est pas passé nous piquer des CD non plus. Je m'inquiète un peu, là, pour Nicolas. Ah, ça, c'est jogging qui le rend paresseux, je sais pas. Restez sur nos ondes, Donne-moi le goût, on va suivre à 17h. Ensuite, à 18h, il va y avoir CrowdTruck avec, encore une fois, Simon Fitzbay. À 19h, c'est le voyage insolite. Et à 22h, il y a 7 au poil. Bon. On vous retrouve demain à 15h pour Assemblage Requis. Bonne soirée, Kiwan. Bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, les papillons et papillettes. On va travailler sur un nom là pour les histoires. Ouais, attends, des Ils sortent pas rien. Là, des marteaux. Tout de suite, là, regarde. Des casques. Casques de construction, tu sais. Des outils. Des Rambo. T'écoutes pas les nouvelles, toi? Non. Tout bas. Ah, les affaires de construction, puis c'est tout le temps le même maudit sujet aux nouvelles.